moi je suis une guerre ténère. Juste un 16 de plus pour fêter la trêve. Aucune drogue, juste des souvenirs et du son pour se faire péter la tête. Certains nous doivent beaucoup, y'a personne pour payer la dette. J'ai pas attendu grapper soit une mode pour faire péter la tape. Ça rêve de fric, mais pour l'instant on taf, ça lave des vitres. À moins de se faire un bring, me dire au revoir à la thune à Jay-Z. C'est toujours ceux qui veulent ta place, qui disent que tu patines. 12 piges de rap, j'écris plus par amour du disque de platine. Oh, j'en ai marre de vivre des journées en repeat. J'aurais besoin d'un répit, sinon je vais perdre la tête comme Henri 8. Putain, la vie c'est hard, regarde un peu les cocards qu'on a. J'esquive les connasses et je noie mes peines le soir dans le Coca-Cola. Tous les clochards comatent et voudraient la vie de Pacha. Si t'as 30 piges, j'oublie l'idée de finir un jour au Barça. L'espoir c'est passable et pas stable, alors passe ta mec. On se ferait un passage, gros bâtard, alors passe la fraîche. Passe la fraîche. Passe la fraîche. J'ai pas le destin en poche, je sais pas trop ce qu'il fera demain. Et puis quand je m'écarte des proches, on parle des lignes entre mes mains. Pourquoi jouer avec l'avenir si la plupart ont des regrets? Je m'attends à tout ce qui va venir, j'ai tout compris dans un regard, ok. Et si la vie est part en couille, je pourrais jamais oublier qu'on a été des parents cool. J'aurais dû fermer ma grande gueule, mettre de côté ma rancœur, toujours faire plus et même encore quand j'ai capté que t'as mal au cœur, ok. J'entends tout le monde qui dit pareil, tu peux être proche de tes amis, mais au final ils disparaissent. On sait jamais ce que sera demain, combat tous tes vieux démons, dis pas les choses à demi-mot et puis réponds si on te demande comment ça va se régler tout ça. Je vois la merde un peu partout. Faudrait vivre sans regret, tu sais, avec une chance la même pour tous. On a tous des malheurs, un espèce de mal-être. J'espère que tu m'auras compris quand tu auras fini ma lettre. Fini ma lettre, fini ma lettre, fini ma lettre, fini ma lettre. Avant que sonne mon réveil, pendant que toi tu rêvais, je pensais déjà à ma paye, la date de son arrivée. Le 15 du mois je visais, en tête une tonne d'idées. Le 10 est à peine passé, les comptes sont déjà vidés. Charbon et taf de bridé, être riche une fois ridé. La pauvreté c'est inné, avec un terrain miné. Il faut être déterminé, essayer d'y arriver. À l'affût les yeux rivés, pour seulement quelques billets. Plus d'un connaît cette villa, dans les quartiers et villages. Loin des belles plages d'Ibiza, entre pirates et pillages. Dans l'immédiat je pillage, j'aimerais trouver une fissage. Dans les médias et visage, en vrai trop de maquillage. Je m'en bats les couilles de vos villas, des flics et de leur faux village. De l'homme bourgeois et de ce qu'il a, on mourra tous au final. Comme Stroma est formidable, on va se marier formidable. Des tonnes de vierges fornicables, une fin en flamme forme létale.